au maximum. Au maximum. Yeah, la victoire. LB Woods. Yeah, man. L'avenir t'appartient. Va jusqu'au bout. Gratuit, ça je peux te le jurer, sueur et ouvrage, il en faut tu sais. La victoire se mérite à celui qui travaille. Si tu restes assis, ça va être un peu des batailles. La paresse n'est pas tangible dans mes gènes, je me gère pour mes besoins et ce même si ça te gêne. Chaque pas accompli, ça en vaut la peine, car sur cette terre, personne ne me prête. Au maximum, bats-toi pour tes idées, ton attitude t'irrite, te donne ta force pour progresser. Au maximum, bats-toi pour tes idées. Au maximum, tu donnes tout pour réussir. Si t'as la rage, la vie est là, va la saisir. Au maximum, l'avenir à toi de décider. C'est nos objectifs qui t'exclament, à travers nos cris et nos larmes, à travers ce qu'on a visé, nos rêves brisés. On se bat au maximum. C'est nos objectifs qui t'exclament, à travers nos cris et nos larmes, à travers ce qu'on a visé, nos rêves brisés. On se bat au maximum. C'est fort et la seule caution de réussite. Il faut que tu saches, tu es sous ton emprise. Il faut que tu ressuscites, il faut que tu t'assures. Il faut que tu présides et marques où tu vises. Il faut que tu te battes pour tes idées. Sois décidé, trace ton parcours. Vas-y parcours, sois toi, sois toi. Sois roi, sois loi. Et maîtrise tes recours. Au maximum, à toi pour tes idées. Ton attitude t'irrite, te donne ta force pour progresser. Au maximum, pour réussir, si t'as la rage, la vie est là, va la saisir. Au maximum, l'avenir à toi de décider. C'est nos objectifs qui t'exclament, à travers nos cris et nos larmes, à travers ce qu'on a visé, nos rêves brisés. On se bat au maximum. C'est nos objectifs qui t'exclament, à travers nos cris et nos larmes, à travers ce qu'on a visé, nos rêves brisés. On se bat au maximum. T'as tes objectifs, la victoire est dans tes mains. Bosse dur, l'avenir t'appartient. Prends et vis ta chance, c'est fatal. Le cadeau que la vie te déballe. Bosse dur, l'avenir t'appartient. C'est nos objectifs qui t'exclament, à travers nos cris et nos larmes, à travers ce qu'on a visé, nos rêves brisés. On se bat au maximum. C'est nos objectifs qui t'exclament, à travers nos cris et nos larmes, à travers ce qu'on a visé,